C'est une mesure forte prise par le Maroc. Le niqab, ce voile qui couvre intégralement le corps des femmes, hormis les yeux, va être interdit à la production et à la commercialisation. Le ministère de l'Intérieur a diffusé ce communiqué pour que les fabricants et revendeurs de niqab liquident leur stock dans les 48 heures. Pourtant, le niqab est rarement porté par les Marocaines, sauf dans les milieux salafistes et les régions très conservatrices du nord du royaume. Cette mesure, qui serait motivée par des questions de sécurité, devrait prendre effet dès ce week-end, mais elle est loin de faire l'unanimité. C'est incroyable! Comment un État musulman peut interdire quelque chose qui fait partie des traditions? Pour moi, chaque être humain est libre de porter le niqab ou pas. Et l'islam n'y est pas opposé. Dans ce pays divisé entre conservatisme et modernité, et dont le roi Mohamed VI prône un islam modéré, la majorité des femmes portent plutôt le hijab, un voile qui ne couvre que les cheveux. Pour les militants des droits humains, le niqab, lui, n'est pas qu'un simple vêtement. C'est un symbole de propagande salafiste à destination du grand public. Et cela sous-tend l'idée que les femmes seraient des objets sexuels impurs. C'est pour cela que je suis un petit peu inquiète et en colère quand j'ai vu les débats sur les réseaux sociaux par rapport à cette interdiction et où de nombreux et nombreuses progressistes sont contre cette interdiction au nom des libertés individuelles. Pour le moment, le Maroc a seulement interdit la fabrication et la vente du voile intégral. Pas question en revanche de l'interdire dans les lieux publics comme en France et en Belgique.